بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة ravi de vous retrouver aujourd'hui le mardi 14 du mois Al-Muharram de l'année 1445 de l'Hégire, correspondant au 1er août 2023. Nous nous retrouvons, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin de poursuivre ensemble cette série qui concerne l'athéisme. Je vois un frère qui a parlé des athées qui trouvent logique qu'on descende du singe et pas logique qu'on descende de Adam et de Ève. Il y a un point très très important qu'on doit tous comprendre. C'est le récitateur, c'est Sa'd al-Ghamidi, et la sourate, c'est As-Saffat. Je disais, il y a un point très important dans le débat avec al-Mukhalif, avec une personne qui s'oppose à toi dans une position, dans un avis. Il ne faut jamais rentrer dans les détails. Il faut parler des bases. Si tu parles avec un mubtadi' de l'bid'a, de al-mawlid nabawi, fête l'anniversaire du prophète, tu n'arriveras jamais à des résultats avec lui. Ce qui est demandé, c'est d'instaurer les règles et les bases et d'être d'accord sur les principes et les fondements. Si on arrive à cela, après, on passe à la mise en pratique, qui sont les points spécifiques. Si on n'est pas d'accord sur le principe, ça ne sert à rien de discuter des éléments secondaires et de ce qu'on appelle furu', les branches. Il faut d'abord qu'on soit d'accord sur les fondements. Donc, un athée qui ne croit pas en l'existence de Dieu, je vais rester avec lui sur ce point. Mais la réponse est dans ce que tu as écrit. Il trouve que c'est un conte de fées qu'on descende d'un homme et d'une femme. Une chose qu'ils voient tous autour d'eux. Tous les jours, ils voient des hommes qui naissent d'une relation entre un homme et une femme. Ça, c'est un conte de fées. Et une chose qu'ils n'ont jamais vue dans leur vie, ni peut-être même pas dans leur rêve, qu'on descende d'un singe, ça, c'est tout à fait logique. Donc, quand quelqu'un, il a sa nature saine, a été corrompu à ce point-là, qu'est-ce que tu peux pour lui? Quand quelqu'un a perdu tout bon sens, c'est pour ça qu'on a intitulé ce cours « La religion des insensés ». Car l'athéisme, il y en a qui ont des ambiguïtés, faut les aider à les soulever et à avoir la bonne compréhension, mais d'autres, tu vas constater que c'est des gens qui ne veulent pas croire, tout simplement. C'est pour ça, il m'est déjà arrivé, en discutant avec certaines personnes, il arrive à un point, il sature. Il ne sait plus quoi répondre. Il est devant la vérité, devant le fait accompli. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, de toute façon, moi, je veux pas croire. Je ne veux pas croire. C'est pour ça, ça, c'est un point très important. Que ce soit avec un athée, avec un mubtadi', ça sert à rien de venir et d'essayer de discuter avec un mubtadi' sur une bid'a. Déjà, on se met d'accord sur les principes et les fondements et les définitions. Et quand on est d'accord, après on passe à la mise en pratique, on n'aura pas de problème par la suite. Sinon, tu n'arriveras jamais à aucun résultat. Et ça, ça fait partie des règles importantes dans ce qu'on appelle ilm al-jadal. Donc on a parlé, dans les cours précédents, on a parlé de ce qui concerne les athées qu'on appelle les déistes. Là, il y a des hommes intelligents parmi les philosophes, tout ça, qui ont reconnu qu'on ne peut pas nier l'existence de Dieu. Et le nombre de philosophes qui reconnaissent l'existence de Dieu est énorme comparé à ceux qui se disent agnostiques. Et ceux qui se disent agnostiques, en réalité, c'est juste pour fuir la réalité. Amma ceux qui disent que Dieu n'existe pas, en général, c'est des menteurs ou qui disent des choses auxquelles ils ne croient pas, s'ils ont un minimum d'intelligence, ou c'est des gens qui sont complètement abrutis. Donc, il y a beaucoup de philosophes qui ont reconnu l'existence de Dieu. Que ce soit parmi les philosophes d'Athènes, yani les philosophes grecs, ou, à commencer par leur maître, Socrate, et en arrivant aux philosophes de notre époque, comme Voltaire, comme Rousseau, tout ça c'est des déistes, qu'on appelle les déistes. Ils reconnaissent l'existence de Dieu. Mais après, ces gens-là, le plus souvent, ils s'appuient sur ce qu'on appelle le dilemme du mal, le problème du mal. Et pour eux, c'est un élément qui permet de ne plus obéir à ce Dieu. Et on a vu plusieurs points qui concernent ce dilemme du mal. Et yani ils disent, si Dieu existe, alors pourquoi y a-t-il tant de mal sur terre? Pourquoi Dieu ne l'empêche pas-t-il? N'empêche pas-t-il l'existence de ce mal? Pourquoi il laisse l'injustice? Yani pour résumer ce qu'on a vu, on peut leur dire, tout simplement, ce mal qui existe. Premièrement, il faut savoir que c'est le résultat de l'éloignement de la religion d'Allah. Ce mal que vous voyez, Allah l'a interdit dans sa religion. Allah a interdit le meurtre, Allah a interdit le mensonge, Allah a interdit l'injustice d'une manière générale. Donc ça, c'est le premier point, le premier constat que vous devez faire. Comme Allah il dit dans le sens du verset, la corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré, peut-être reviendront-ils. Regardez la réponse dans ce verset. Peut-être reviendront-ils vers Allah, vers leur Dieu et leur Créateur. Donc, regardez comment le verset est explicite dans la réfutation de cette ambiguïté. Donc, le mal que tu vois, c'est un mal que les hommes ont fait. Allah leur a interdit. Et aussi, le deuxième point, il faut savoir qu'on est sur terre pour une épreuve et un test dans lequel on est tenu d'agir conformément à la législation divine. Et si des personnes transgressent et ne respectent pas cette législation, ça c'est pas à cause d'Allah. Allah leur a interdit. C'est à cause d'eux-mêmes. Car Allah, Dieu, a laissé à l'homme le libre arbitre. C'est-à-dire, il lui a laissé la possibilité de choisir ses actes. Il lui a laissé la possibilité de choisir ses actes. C'est l'homme qui choisit. Il fait le mal ou il fait le bien. Il a un libre arbitre. Donc, cette liberté qui a été accordée à l'homme, qui est responsable de ses actes, et tous au fond de nous, on a conscience de cette responsabilité. Et ça, comme je vous ai dit précédemment, c'est parmi les phénomènes chez l'homme que les athées ne peuvent pas expliquer. Donc, ça, c'est également un point important. Et aussi un troisième point important. Donc, ça, c'est un résumé de ce qu'on a vu. Un troisième point important, c'est que justement à cause de cette liberté, ce libre arbitre qui a été accordé à l'homme avec la responsabilité de ses actes, que c'est l'homme qui fait le mal dans le monde. Tu ne trouveras pas une autre créature, à part les hommes et les djinns, auxquels ne croient pas les athées, bien évidemment, car ils ne font pas partie du monde visible. Là, qu'il reste sur l'homme. Je l'ai mentionné juste pour que quelqu'un ne vienne pas me dire « t'as dit juste les hommes et t'as pas mentionné les djinns ». Les hommes, ça englobe également les djinns. Ça englobe les djinns. Donc, il n'y a que ces créatures qui sont responsables de leurs actes, qui commettent le mal sur terre et qui ne respectent pas. Sinon, si tu prends toutes les autres créatures, tu vas trouver qu'ils ne font pas de mal, ni de transgression. Elles sont comme Allah a voulu qu'elles soient. Et la conséquence de ça, ça c'est également quelque chose qu'on a au fond de nous. Tous, on a ce sentiment au fond de nous. On peut se mentir à nous-mêmes et dire qu'il n'y a plus rien après la mort. Mais l'homme, il ne peut pas croire en cela. Au fond de lui, s'il est sincère avec sa personne, il ne peut pas croire en cela. C'est pour ça, après la mort, il y aura un jugement et chacun devra rendre le compte de ses actes. Et celui qui a fait le bien, il sera récompensé. Et celui qui a fait le mal, il sera puni. Et ça, c'est la justice absolue de Dieu. Personnellement, je n'aime pas utiliser Dieu. J'aime dire Allah, car c'est un nom d'Allah. Dieu, c'est pas un nom d'Allah. Il faut pas l'utiliser. Lakin, dans ce cours, j'ai choisi d'utiliser le maximum de termes français, car le cours ne s'adresse pas qu'à des musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens du verset, dans sourate Ibrahim, « Et ne pense point que Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur accordera un délai jusqu'au jour où leurs regards se figeront, le jour de la fin des temps, pour celui qui n'est pas décédé avant, après lequel chaque personne devra rendre le compte de ses actes devant Allah. C'est le jour du jugement dernier. » Donc, encore une fois, si Dieu permet l'injustice sur terre sans qu'elle n'émane de lui, ça c'est important. C'est pas Allah qui a commis l'injustice. C'est l'homme, c'est sa créature à qui il a donné ce libre arbitre et à qui il a montré la voie du bien et la voie du mal. Donc si l'homme, il fait le mal, pourquoi tu viens et tu m'écrois en ton créateur? Tu veux qu'il soit jugé sur terre? Il y en a qui payent sur terre et la majorité paye sur terre. La majorité de ces injustes paye sur terre. Mais il y en a qui paieront qu'après la mort. L'essentiel, c'est que les comptes seront rendus et le jugement sera fait. Et de toute façon, il faut savoir que la vie sur cette terre ne sera jamais comme la vie au paradis. C'est pour ça l'homme, il lui est tenu de se conformer à la législation de son créateur, de lui obéir et de respecter ses commandements et sa législation. Voilà, si on peut résumer ce sujet d'une manière concise, c'est ainsi. Wallahu a'lam. Donc à partir d'aujourd'hui, nous allons continuer avec un autre point très important. Donc, ce problème du mal, ça sert comme réfutation aux déistes, principalement. Aux athées également, lakin, aux déistes qui croient en un dieu, mais qui se soumettent pas à ce dieu. En général, la plupart d'entre eux, c'est à cause de ce problème du mal. Et la majorité d'entre eux également, tu vas trouver qu'ils ont subi des drames, des souffrances, des douleurs, la perte de proches. Et c'est ça qui fait qu'ils deviennent qu'il développe une haine, une grande haine contre Allah, contre le Créateur. Parce qu'il n'arrive pas à expliquer cette injustice dont ils étaient victimes. Donc à partir d'aujourd'hui, avec la permission d'Allah, nous allons continuer et nous allons aborder des sophismes des athées, ce qu'on appelle les sophismes. Les sophismes, c'est les raisonnements viciés, des raisonnements viciés, yani, ou on peut dire des raisonnements dans lesquels il y a des vices, ou on peut les appeler également les raisonnements fallacieux, qui reposent sur des jeux de mots ou sur des arguments séduisants, mais qui sont faux en réalité et qui sont destinés à induire l'interlocuteur en erreur. Donc c'est des arguments qui induisent l'interlocuteur en erreur. Donc on va aborder quelques-uns et on va aborder les plus importants de ces arguments avec la permission d'Allah. Comme je vous ai dit, si vous avez des points, des éléments que je n'ai pas abordés, auxquels j'ai pas pensé ou que j'ai oublié, n'hésitez pas à me les écrire dans les commentaires. Comme ça, j'essaierai d'y répondre dans les prochains cours avec la permission d'Allah. Donc, parmi ces points-là, ou avant de les entamer, faut savoir, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, que l'athéisme, c'est l'idéologie la plus contradictoire. L'athéisme est plus contradictoire que toute autre idéologie. Et en réponse à la question quel est le degré le plus élevé dans la mécréance, l'athéisme ou l'associationnisme, bien évidemment l'athéisme. L'athéisme, c'est la pire des mécréances qui existent sur Terre. C'est la pire des mécréances qui existent sur Terre. Car l'associateur, il voue une adoration à Allah et à autre qu'Allah. L'athée, il dit Allah n'existe pas. Donc, l'athéisme est plus grave, comme les hommes de science l'ont mentionné. On a vu que l'homme, dans cette doctrine, toujours je répète, je ne veux pas qu'un athée vienne me dire « moi, j'ai pas ces convictions ». Ça, c'est les convictions de l'athéisme. Dis-moi, ça, c'est pas des convictions de l'athéisme. Je serai prêt à discuter avec toi. Mais ne me dis pas, moi, j'ai pas ces convictions. Comme j'ai entendu aujourd'hui un grand philosophe qui disait que pour lui, il accepte les moralités des religions, mais il n'accepte pas la croyance en Dieu. Ça, c'est quelqu'un qui a compris qu'il n'y a aucun moyen d'expliquer les moralités chez l'homme que la foi en un Dieu créateur. La foi en une transcendance, en un juge absolu, qui a dit que ça c'est bien, ça c'est mal. Sinon, ça ne peut pas venir de la matière. Car l'homme, dans la doctrine, dans cette doctrine de l'athéisme, il est issu de la matière, d'une manière aléatoire et hasardeuse, et il vit pour mourir, il meurt pour rien du tout. L'homme n'a pas de valeur, tout simplement. L'homme est un singe social. Sans plus. L'homme est un singe social sans plus. Juste, la chance et la coïncidence lui a permis de s'évoluer plus que son cousin le singe. Il s'est évolué, il a évolué plus que son cousin le singe. Tout simplement, c'est une chance, c'est un phénomène tout à fait aléatoire. Le singe aurait pu évoluer plus que lui et être plus intelligent. Lakin, l'homme, il a eu cette chance, donc, mais ça n'empêche pas qu'il reste comme son cousin, comme celui avec lequel il partage la même origine et le même ancêtre qui est le singe. Et je vous avais cité que l'homme, il a une ressemblance qui s'élève à 99% dans son code génétique avec la souris. Pourquoi ils ont choisi le singe et pas la souris? Pourquoi ils ont choisi le singe? Pourquoi on n'aurait pas le même ancêtre? On est les cousins des souris. Non, parce que, ni physiquement, la ressemblance, on est plus proche d'un singe. Wallah al-musta'an. Et après, des hommes comme ça, ils viennent, ils prétendent suivre la science expérimentale, suivre la science moderne, être des personnes évoluées, des personnes avec des raisonnements rationnels et logiques. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une parole d'un athée qui disait, que, je me rappelle pas qui c'était cet homme, en tout cas, yani, je me rappelle pas qui c'était, lakin, il disait que la négation du principe de raison, cette négation, ils disent, elle est suffisante. Yani, la négation du principe de raison suffisante implique un trop grand scepticisme sur le réel. Yani, si tu nies ce que ta raison indique, et ce que ta nature humaine saine indique, et ce que tes intuitions indiquent, et ce que ta moralité et tes valeurs indiquent, et ainsi de suite, la liste est longue. Les outils qu'Allah a mis en nous, qui nous permettent d'arriver à la vérité, c'est ce qu'on appelle le principe de raison suffisante. Si tu nies tous ces arguments, l'argument moral, l'argument cosmologique, l'argument de la causalité, la loi de causalité, tous ces arguments qu'on a en nous. L'enfant, quand tu le touches par derrière, il se tourne, il cherche qui l'a touché. Ça, c'est pas des phénomènes qui s'apprennent. C'est des choses en nous. C'est justement parmi les preuves de l'existence du Créateur et que cette création a forcément un créateur. Et ça, on va y revenir quand on parlera des arguments de l'existence du créateur. Alors que le créateur lui-même, il est le plus grand argument de l'existence de ces créatures. Le créateur lui-même est le plus grand argument de l'existence de ces créatures. Lakin, on va mentionner quand même ces arguments qui indiquent l'existence du Créateur. Et c'est pour ça, dans une discussion avec un athée, dans un dialogue, dans un échange, on reste sur ce point. S'il reconnaît l'existence du Créateur, je passe avec lui à la suite. Sinon, ça sert à rien. C'est étape par étape, et c'est moi qui va diriger le dialogue, et je ne vais pas le laisser aller sur des points élémentaires et secondaires pour s'éparpiller, car il n'y aura pas de résultats dans cette discussion. Lakin, on va étape par étape, selon un raisonnement rationnel, jusqu'à arriver à la vérité. Et notre intention à tous les deux, c'est la vérité, et uniquement la vérité, partout qu'elle soit, je la suis. S'il n'est pas d'accord sur ses principes, ça ne sert à rien d'aller plus loin avec lui. Donc, la négation de toutes ces choses qu'on a en nous, de toutes ces preuves de l'existence du Créateur, si on renie tout ça et on nie tout ça, il a dit, cela implique un trop grand scepticisme sur le réel. C'est que tu vas douter de toute chose. Tu vas douter de toi-même. Tu vas douter de ton entourage. Tu vas douter de tout, sans exception. Et je vous avais rapporté la parole de Darwin dans laquelle il exprimait ses doutes au sujet de sa propre raison et comment il peut faire confiance à sa raison et comment elle peut avoir les raisonnements auxquels il aboutit, auxquels il peut, en quel droit il doit leur accorder de la valeur et de l'intérêt et de l'importance. Sa raison, qui est issue d'interactions chimiques, hasardeuses, aléatoires, et ça a donné cette raison-là. Comment on peut faire confiance à quelque chose? Cet homme, il est sincère dans son égarement. Et c'est un homme scientifique qui a des raisonnements, yani, des raisonnements justes, mais qui sont basés sur des prémices faux. Mais qui sont basés sur des choses qui sont fausses. Il part d'erreurs et de faussetés. Et il arrive forcément vers des erreurs et des faussetés. Lakin, le raisonnement en lui-même, il est bon. Une raison issue de la matière qui n'est pas consciente, qui n'est pas intelligente, qui ne sait pas ce qu'elle fait, elle fonctionne avec des principes aléatoires. Comment cette matière, elle va donner quelque chose à laquelle on peut accorder de l'intérêt et à laquelle on peut faire confiance? C'est comme ça que tout athée doit raisonner. S'il veut être un vrai athée, en cohérence avec l'athéisme, il doit raisonner comme Darwin, comme Freud, comme Nietzsche, comme yani, tous ces grands athées connus. Et donc, c'est pour ça que la seule chose qui donne de la valeur à ta vie et qui te donne ta dignité, c'est la foi en ton Créateur. C'est ça qui donne du sens à ta vie. Et la foi, on peut en parler, la foi, la vraie foi. On peut en parler comme on veut, mais par Allah, on ne peut jamais décrire la foi telle qu'elle est réellement. La foi, ça se vit. La foi, ça se vit. Et celui qui a goûté à la foi, il ne l'abandonnera plus jamais. Il ne l'abandonnera plus jamais. Même si tu lui donnes toute la planète pour qu'il abandonne sa foi et sa religion, wallahi, il ne l'abandonnera pas. Quand on entend des gens qui apostasient de l'islam, ou bien c'est des gens qui n'ont jamais connu l'islam. Déjà, c'est une faible minorité. Ou des gens qui font ça par intérêt, contrairement à leurs convictions. Un grand chrétien égyptien a rapporté cela. Il avait fait da'wah à des Soudanais et il était étonné. Il pensait que les musulmans étaient beaucoup plus attachés à leur religion. Il a fait da'wah à quelques personnes. Ils l'ont tous suivi. Il leur a promis de l'argent s'ils le suivent. Ils l'ont suivi. Et c'est lui qui rapporte ça. Ça, c'est une conférence que vous pouvez trouver sur YouTube. Ils l'ont suivi et il les emmenait par la suite dans un autre pays pour une formation chrétienne. et ils l'ont accompagné, il leur a donné l'argent, tout ça, ils l'ont accompagné, et dans le bateau, il est parti leur rendre visite, chacun dans sa chambre. Le premier, il le trouve en train de faire Qiyam al-Layl, le deuxième, il le trouve en train de faire Salat, et ainsi de suite. Et après, il les a réunis. Il leur a dit, est-ce que vous avez accepté ma religion? Ou pourquoi vous faites ça? Ils lui ont dit, on fait ça parce qu'on a besoin d'argent. On est pauvre. Bien évidemment, c'est des ignorants. Qu'Allah nous guide et les guide. Lakin, pour dire que celui qui a connu l'islam vraiment et qui a goûté la douceur de la foi, il ne l'abandonnera plus jamais. Sauf si il y a des causes déterminées. Et c'est pour ça, César, quand il a demandé comment étaient les compagnons du prophète, les premiers dans la religion, il a dit, est-ce que c'était des pauvres ou des riches? Ils ont dit des pauvres. Il a dit, c'est ainsi les suiveurs des prophètes. Il leur a dit, quand quelqu'un d'entre eux entre sa religion, est-ce qu'il la quitte par la suite? Il l'abandonne? Ils ont dit non, jamais. Il a dit, c'est ainsi la douceur de la foi quand elle est mêlée au cœur. Ça, c'est César qui l'a dit. Et ça, c'est un hadith très très intéressant, très profitable, dans lequel il y a énormément de leçons à tirer. Ça mérite une conférence à l'expliquer, comment cet homme a su que le prophète alayhi salatu wassalam était un vrai prophète avec des questions. Et ça, ça réfute les ash'arites qui disent qu'on ne peut reconnaître le prophète qu'avec les miracles. Et ça, c'est faux. On peut reconnaître les prophètes avec les miracles, mais aussi avec d'autres éléments. Et les miracles, c'est même pas les points principaux pour reconnaître un prophète. Et c'est pour ça aussi que l'homme, dans cette doctrine, il est semblable à la souris, à la fourmi. L'homme, c'est un tas de bactéries, un tas de cellules, pas plus. C'est pour ça qu'il n'y a aucun mal à se débarrasser de tous les hommes qui sont plus productifs. Tous les hommes qui ne sont plus productifs, il n'y a aucun mal à se débarrasser d'eux. Pourquoi on va garder une personne âgée qui ne fait que consommer et qui coûte énormément d'argent à l'État? Pourquoi les garder? Pourquoi garder les personnes ayant des handicaps? Donc, on peut les tuer ou au minimum les utiliser dans des expériences de laboratoire. Dans la doctrine de l'athéisme, c'est comme ça qu'on raisonne. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de mal à expérimenter un vaccin sur une population africaine d'un million de personnes. Il n'y a aucun mal en cela. Donc, ce que je vais citer, Inch'Allah ta'ala, avec la permission d'Allah, seront des points qui sont des fausses preuves, mais présentées comme des vraies preuves, dans lesquelles il y a un embellissement du mensonge en le présentant comme une vérité. Parmi ces premiers points, justement parce qu'on a parlé de la loi de la causalité, la loi de la causalité qu'on a vu précédemment, si on veut la résumer, et on va y revenir inshallah quand on parlera des preuves rationnelles de l'existence de Dieu. Donc tout ce qui existe a forcément un créateur. Je me suis trompé dans la phrase. L'anala, ça donne un mauvais sens. Tout ce qui a commencé a existé a une cause de son existence. Ça, c'est la loi de la causalité, ce qu'on appelle encore l'argument cosmologique. Et les philosophes d'Athènes l'appellent l'argument de la première cause, comme Socrate, il l'a appelé l'argument de la première cause. Donc, tout ce qui a commencé à exister a une cause de son existence. Et pourquoi on ne dit pas tout ce qui existe? Car il y en a parmi, yani, il y a un être qui existe et qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, l'être infini, l'être absolu, l'être qui subsiste par lui-même, auto-subsistant, auto-existant, et qui existe par lui-même. Et ça, on va le comprendre par la suite. Donc, selon cette loi, tout ce qui commence à exister a une cause de son existence. C'est pour ça que l'univers a commencé à exister, et ça s'est prouvé avec la science moderne. L'univers a commencé à exister. Donc, en conséquence, comme résultat de ces deux prémices, l'univers a une cause de son existence. L'univers a une cause de son existence, ce que Socrate appelle la cause première, la cause première. Donc, on peut le formuler autrement en disant que quelque chose qui existe, quelque chose existe. On a quelque chose qui existe autour de nous, l'univers. Et tout ce qui existe ne peut pas exister par lui-même. Tout ce qui a commencé à exister ne peut pas commencer à exister par lui-même. Donc forcément, il y a une cause éternelle qui lui a donné existence. Donc ça, c'est un peu de la philosophie. Et des fois, on peut se passer de ce genre de choses. Lakin, c'est des raisonnements rationnels. C'est ce qu'on appelle la loi de la causalité. La loi de la causalité du cause à effet. Chaque effet a forcément une cause. Quand tu touches l'enfant par derrière, il cherche qui l'a touché. Et si tu lui dis, non, personne ne t'a touché, t'as été touché comme ça, par le néant, il va te dire, t'es un fou, s'il parle. Et s'il ne parle pas, encore, il va te faire comprendre ce sens-là, que c'est pas possible. Et ça, c'est des lois ancrées en l'être humain. Chacun de nous, il a ces lois-là. Mais confronté à ces lois, il y a des athées qui arrivent au point de les renier et de renier toute autre chose par la suite. Car si tu renies ces lois universelles en tout homme, comme la loi de la causalité, en quoi tu vas croire par la suite? En rien du tout. Donc, quand tu parles à un athée et tu lui exposes cet argument cosmologique ou cette loi de la causalité, qu'est-ce qu'il dit? Tout bêtement, il te dit, d'accord, je suis d'accord sur cette loi. Mais alors, qui a créé le Dieu? Toi, tu l'as utilisé pour prouver que l'univers a été créé par Dieu. Lui, après, il dit, d'accord, chaque chose qui a commencé à exister a forcément, il y a quelqu'un qui lui a donné cette existence. Tout ce qui a commencé à exister a une cause de son existence. Il est d'accord sur la loi. Après, il dit, alors c'est qui a créé Dieu? Il a accepté que Dieu est un créateur éternel, est un créateur infini, et qu'il est la cause de toute créature. Et après, tout bêtement, il dit, et c'est qui a créé Dieu? C'est qui a créé Dieu? Ça, c'est comme si tu lui présentes un plat, tu lui dis ce plat a été cuisiné. Donc, chaque plat qui a commencé à exister et qui a été cuisiné a forcément un cuisinier. Il te dit, c'est qui a cuisiné le cuisinier alors? C'est aussi bête que ça. C'est aussi bête que ça. Voltaire lui-même, il dit, l'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est point d'horloger. Il dit, l'univers m'embrasse par sa beauté et sa splendeur et sa magnifique organisation, son ordre, sa structuration. L'univers m'embarrasse et je ne puis songer. Il ne peut penser que cet univers, dans cette perfection, dans cette organisation, dans cet ordre, n'a pas de créateur. Comme il ne peut s'imaginer que l'horloge n'a point d'horloger. Aussi, quand on dit que il y a de l'ordre dans la nature et la matière ne peut pas produire, la matière ne peut pas spontanément produire de l'ordre. Donc, la cause de cet ordre dans la nature est intentionnelle. Ça a été fait par quelqu'un de conscient, un être réel, existant, et pas un être abstrait. Et ça a été fait d'une manière intentionnelle. Ça peut pas être le fruit d'un accident, de hasard et autre. Donc quand tu lui exposes cet argument et qu'il accepte, après il te pose la question tout bêtement, donc qui a créé Dieu? C'est comme s'il te disait, et qui a créé l'horloger? Tu lui dis l'horloge à un horloger, qui a créé l'horloger? Qui a cuisiné le cuisinier? Là, le temps passe vite, Allah al-Musta'an. Et peut-être que je vais reporter ça à demain. Je vais vous citer un exemple qui permet de comprendre ce principe d'une manière extrêmement claire. D'une manière extrêmement claire. Là, c'est le temps de la salat. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته